13, 35, exercice test, masculin et féminin des adjectifs. Déterminez si les phrases que vous entendez parlent d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Cochez la case appropriée. 1. Michel est affreux. 2. Tu es puant. 3. Dominique est idiote. 4. Est-ce que tu es collant? 5. Claude est très élégante. 6. Michel est plutôt froide. 7. Danielle est première. 8. Bah, tu es sourd ou quoi? 9. C'est ma copine. 10. Danielle n'est pas très chaud. 11. Ah, t'es malin, toi. 12. Claude est inoffensive. 13. Dominique est vert de jalousie. 14. Quel dragueur. 15. Tu es affreuse. 16. Quel idiot. 1994, Yale University.